Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien dans le Mag. Aujourd'hui, on s'intéresse à un rendez-vous important qui se tiendra le mardi 30 septembre à 14h au Centre socio-culturel de Nazelles, qui mêlera spectacle et forum autour d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, bien vieillir. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Chloé Coulon. Chloé est chargée de développement et animatrice à l'ACEPT, Centre Val-de-Loire, association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires, c'est ce que signifie ce sigle. Une belle association donc qui œuvre pour la prévention santé et l'accompagnement du bien vieillir dans notre région. Bonjour Chloé. Bonjour. Pour commencer, Chloé, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ACEPT et ses missions principales en quelques mots ? Oui, bien sûr, pas de problème. Donc l'ACEPT Centre Val-de-Loire, comme vous l'avez dit, est une association de prévention en santé. L'idée, c'est d'aller au plus proche des personnes vulnérables, donc principalement le public des seniors en milieu rural, mais aussi un petit peu en milieu urbain, pour leur parler de tout ce qui est prévention santé. Donc la prévention, on est vraiment sur le partage de conseils pour bien vieillir en bonne santé et surtout pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible. Et alors ça concerne uniquement que la santé ou par exemple vous êtes aussi là pour des fois prévenir les arnaques téléphoniques ou des choses comme ça qui sont un petit peu aussi parallèles à tout ça ? Ça peut arriver, ça nous est déjà arrivé dans le cadre d'un partenariat avec UFC Que Choisir il y a quelques années, oui, où on a fait un atelier justement à propos des arnaques, notamment sur le numérique. Ce qui me permet de rappeler aux auditeurs que chaque mardi à 13h, on retrouve la chronique conso avec UFC Que Choisir sur Radioactive pour éviter justement de tomber dans des pièges. Alors, vous proposez régulièrement des actions de prévention, mais là, ce qui va se passer donc ce mardi 30 septembre, c'est un format un petit peu particulier puisqu'il y a un spectacle et puis un forum. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui va être proposé ? Oui, donc effectivement, on propose habituellement des ateliers, mais pour pouvoir se rapprocher le plus possible du public, on met en place quelque chose d'un peu plus ludique à travers le spectacle vivant. Donc l'idée, c'est d'accueillir une compagnie de théâtre professionnelle qui est basée dans notre région, qui anime en chanson un spectacle à propos du passage à la retraite, puisqu'on est principalement tourné vers le public senior. Pas uniquement, mais c'est notre première cible. Et donc, à travers ce spectacle, eh bien, on va aborder le passage à la retraite, qui n'est pas toujours un passage facile. C'est un vrai changement de vie et donc il faut bien préparer sa retraite. En général, à la fin du spectacle, les personnes, donc le public, se posent des questions sur... C'est tout le but recherché. Tout à fait. Donc, ils se posent des questions. Ah mince, mais comment est-ce que je fais pour préparer ma retraite ? Ah, mais moi, j'ai une question à propos de ma caisse de retraite, que ce soit la CARSAT, la MSA, la caisse complémentaire Agirc-Arrco. Et nous avons voulu, à travers la mise en place d'un forum, donc qui suit le spectacle, mettre en évidence ce qui peut être proposé sur le territoire. Donc nous avons des partenaires institutionnels qui seront présents, quelques caisses de retraite notamment, mais pas uniquement. L'idée, c'est de faire un vrai partenariat. Donc pour l'événement du mardi 30 septembre, c'est un partenariat avec la commune de Nazelles-Négron et la communauté de communes également du Val-d'Amboise. Et on remercie Nora qui nous a mis en contact. Tout à fait. Donc c'est vraiment aussi le partenariat qui est important puisque c'est la communauté de communes et la commune qui nous ont dit « Ah bah non, on connaît telle association qu'il pourrait être bien d'inviter sur le forum ». Le spectacle, pour en revenir justement à cet aspect-là ludique, il s'appelle « Une nouvelle saison ». C'est la compagnie Vol de Nuit qui le propose, donc une compagnie locale. Vous savez, Chloé, si c'est une compagnie qui a l'habitude de travailler sur les questions de la retraite, où là, vraiment, c'était la thématique que vous aviez envie de mettre en avant et que du coup, ils se sont adaptés. Alors, le spectacle, en fait, il a été commandé par les caisses de retraite de la région. Et c'est pas la première fois qu'il est joué, donc on imagine. Non, ça fait plusieurs années qu'il est joué. On le met en place dans chaque département entre 2 et 4 fois par an avec la compagnie Vol de Nuit. D'accord, compagnie qui doit avoir du coup l'habitude. Tout à fait. Ils ont peut-être plein de réponses aussi aux questions que se poseront les retraités du coup à l'issue de ce spectacle. Le spectacle, il aura lieu mardi 30 à 14h au Centre socio-culturel de Nazelles. Concernant les partenaires qui seront présents lors de ce forum qui s'appelle « Ma retraite, J'en profite, enfin c'est la manifestation plus largement qui s'appelle Ma retraite, j'en profite. Ces partenaires, est-ce que vous pouvez nous les citer, nous dire qui sera là et ce qu'ils feront ? Pas de problème. Donc, bien évidemment, il y aura un stand tenu par la CEPT, hein, puisque on a des choses à proposer. Et puis, on a aussi souvent des questions. Donc, nous ne sommes pas uniquement organisateurs, mais nous sommes également présents sur le forum. Ensuite, nous aurons Présence Verte Touraine, qui sera présent. La complémentaire Agir Carco, l'association Ciel Bleu. Donc là, c'est une association qui fait de l'activité physique adaptée pour les seniors, les personnes en situation de handicap ou voilà, ce genre de public. D'accord. Nous aurons également le PGV, donc qui fait un petit peu la même chose que Ciel Bleu. D'accord. Nous aurons ensuite un stand de Solia, qui est l'aménageur du logement. Donc justement, quand on prend sa retraite, quand on prend de l'âge, ça peut être pas mal de prévoir l'aménagement de son logement, que ce soit éclairer les escaliers, changer la baignoire en douche ou ce genre de choses. Donc Solia est là pour apporter des conseils et aider à construire le dossier de demande d'aide de financement de l'État. D'accord. Nous aurons bien évidemment la communauté de communes du Val d'Amboise, puisqu'ici c'est notre partenaire. Nous aurons Mobilog, qui est également là pour aider les seniors à diagnostiquer leur environnement pour savoir qu'est-ce qu'il peut être bien de modifier. Et enfin, nous aurons la plateforme de répit, Agévi, pour le côté des aidants. Agévi, qu'on salue aussi, puisqu'on a l'occasion de les voir régulièrement, de les accueillir, voire même avec leurs usagers dans les locaux de Radioactive. Concrètement, ce forum, ce spectacle plus ce forum, il s'adresse à qui ? Est-ce que c'est uniquement des retraités qu'ils sont déjà, des futurs retraités ? Pourquoi pas des familles de retraités ? Alors, on accueille tout le monde, bien évidemment. Après, notre public cible, ce sont les seniors de moins de 75 ans. Donc, on va dire à partir de 50, 55 ans. L'idéal, c'est vraiment d'avoir des jeunes retraités, des futurs retraités qui peuvent être en pré-retraite, en retraite progressive ou en congé. Et puis après, bien évidemment, si les grands-parents veulent venir avec leurs petits-enfants, il n'y a pas de problème. Et si moi, je veux me renseigner pour mes aînés, par exemple, je peux aussi venir. Tout à fait, on accueille tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Ça veut dire que l'accès est libre ou bien est-ce que l'entrée est payante ? Alors, l'entrée est totalement gratuite. Hein, c'est un financement par les caisses de retraite, le conseil départemental. Donc, même pour le spectacle ? Tout à fait. L'entrée est totalement gratuite. Par contre, c'est sur inscription. Nous avons une capacité d'accueil limitée. Eh oui. Donc, il vaut vraiment mieux appeler pour réserver. Après, si vous n'avez pas appelé, vous pouvez quand même venir. On espérera de vous trouver une petite place. Alors, comment on fait justement pour s'inscrire ? Donc, c'est simple. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler la CEPT Centre-Val de Loire au 07 67 59 46 01. Et je tiens à préciser que c'est ma collègue Anaïs Loiseau qui répondra au téléphone. Nous avons la chance d'avoir une vraie humaine qui répond au téléphone. Alors ça, c'est à souligner. On salue Anaïs parce qu'on est sûr qu'elle est à l'écoute. Tout à fait. Enfin, Chloé, un mot sur les autres actions menées par la CEPT en Centre-Val de Loire pour ceux qui aimeraient s'impliquer ou suivre vos autres ateliers ? Oui, alors la CEPT ne propose pas uniquement des choses envers les seniors. Depuis l'année dernière, nous nous dirigeons aussi vers les personnes en situation de handicap et puis vers le public des aidants. Alors, les aidants tout âge, on prévoit un nouveau spectacle sur le même format que Ma retraite, j'en profite, tourné vers les aidants. Et donc ça, on peut suivre sur les réseaux. Vous avez un Insta, un Facebook qui permet de se tenir au courant de ce qui se passe. Tout à fait. Donc, on a un site internet, acept.centrevaldeloire.fr. Ensuite, nous avons des réseaux sociaux, donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook et puis également sur Instagram. Sur Instagram, on aime bien donner tous les lundis un conseil de la semaine et puis on vous parle aussi des journées mondiales, que ce soit en rapport avec la santé ou d'autres thématiques. Ah ben c'est parfait, merci beaucoup Chloé. Et enfin, pour clôturer, la CEPT Centre-Val de Loire, donc on est au format associatif et nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer nos ateliers, puisque 90% des ateliers proposés par la CEPT sont animés par des bénévoles. Waouh ! Ah oui, ça représente combien de bénévoles, ça ? Aujourd'hui, nous avons 17 bénévoles à travers la région. Après, pour l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher et l'Indre, on est vraiment en recherche de bénévoles parce que notre capacité commence à réduire. Et les communes nous demandent de plus en plus d'ateliers. Oui, alors ça engage à quoi quand on devient bénévole pour la SEPT? Est-ce que ça nous prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est vraiment ponctuel? Vous attendez quoi des nouveaux bénévoles? Alors, l'idée, c'est qu'on soit dans le dialogue. Nous avons par exemple une bénévole dans l'Indre-et-Loire qui, elle, nous dit « Moi, je veux bien animer des ateliers, mais uniquement sur la période d'hiver, parce qu'en été, je pars en vacances. » D'accord. Donc, l'idée, c'est de participer principalement à débat 1, 2, 3. L'idée, c'est de participer d'abord à un atelier proposé par la SEP pour voir si ça peut vous plaire. Mmh. Ensuite, on peut vous envoyer donc en formation. Donc, il y a plusieurs centres de formation dans la France. On essaye de vous envoyer dans des petits endroits sympas, en Bretagne, au Croisic. Parfait. Voilà, donc c'est la SEP qui prend en charge le côté financier de la formation. La SEP forme ses bénévoles. Tout à fait. C'est génial. Tout à fait. Donc, vous êtes formé pour animer l'atelier. Et ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de vous engager à animer un ou deux cycles d'ateliers par an. Donc, en fonction de la thématique, l'atelier peut durer de 4 à 12 séances. D'accord. Eh ben, c'est bien de l'avoir précisé, effectivement, Chloé, c'est important. L'engagement associatif est toujours aussi important, et quels que soient les domaines d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On rappelle que le rendez-vous pour le spectacle et le forum autour du bien vieillir, c'est le mardi 30 septembre à 14h au Centre socioculturel de Nazelles-Négron. Une belle occasion d'allier convivialité, échange et puis des informations utiles, bien évidemment. N'hésitez donc pas à vous y rendre pour découvrir, apprendre, mais aussi partager un bon moment. On rappelle le numéro pour vous inscrire, le 07 67 59 46 01. Merci beaucoup, Chloé. Merci à vous. Allez, on va vous faire plaisir, on va se quitter avec Saint Graal que vous avez, on me dit, dans l'oreillette, découvert au Festival Terre du Son. Tout à fait. Avec Oversize pour finir en musique. Merci à bientôt, beaucoup, à Chloé. Bientôt. J'ai de l'humour complexe et des contradictions. Je ne ressens plus rien au fond que de la haine envers moi, envers mon corps. Je me fais du mal encore, mais ce soir, toi tu veux moi. Comment veux-tu je te crois si moi-même j'y crois pas? À cet amour oversize, si grand qu'on se perd, qu'on se perd dans mon regard. Car à toi mon cœur, à mon amour oversize. Je me dépêche quand tu me vois, toujours surpris quand tu me dragues. J'ai pas confiance en moi, mon amour oversize. Comme un conflit entre moi-même et mon corps. Parfois c'est le love, parfois c'est un désaccord. Faut que j'apprenne à m'aimer, mais j'ai le fait de tes yeux. J'admire la beauté des corps, mais pas le mien si tu veux. D'un amour oversize, si grand qu'on se perd, qu'on se perd dans mon regard. Car à toi mon cœur, à mon amour oversize. Je me déteste quand tu me vois, toujours surpris quand tu me dragues. J'ai pas confiance en moi, mon amour oversize. Tellement que parfois ton amour devient un problème. Un problème. Trauma des autres et de la norme. Je me conçois que hors de mon corps. Et s'aimer devient un problème. Un problème. Un amour oversize, si grand qu'on se perd dans mon regard. Car à toi mon cœur, à mon amour oversize. Je me déteste quand tu me vois, toujours surpris quand tu me dragues. J'ai pas confiance en moi, en mon amour oversize. Si grand qu'on se perd dans ton regard. Car à toi mon cœur, à mon amour oversize. Je me déteste quand je me vois, toujours surpris quand tu me dragues. J'ai pas confiance en moi, en mon amour oversize. Trouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.